Innocent Biboniman, sur la mise en onde. Merci pour votre fidélité. Bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée du 29 juillet 2020. D'abord l'essentiel. Quatre présumés auteurs de passage à tabac de deux étudiants de l'Université du Burundi il y a plus d'une semaine ont été appréhendés. Vous entendrez les précisions du recteur de cette université qui appelle également les étudiants de cette institution universitaire au strict respect de la loi. Lancement ce mercredi du port obligatoire de masques chez les transporteurs de véhicules rémunérés. L'association des transporteurs du Burundi prévient les contrevenants à cette mesure qu'ils seront sanctionnés. Et à Kirundo, l'on parle de l'insuffisance laitière où le litre de lait a passé de 1000 francs à 1800 francs en burundais. Et dans la rubrique « Parlera sur moi », on va vous parler des discours déshumanisants. Voilà pour l'essentiel. Bonjour, je vous le disais tout à l'heure, les étudiants internes et externes de l'Université du Burundi sont appelés au strict respect de la loi et des droits de l'homme. C'est appelé du recteur de l'Université du Burundi après qu'un groupe d'étudiants ait tabassé et blessé leurs camarades au campus Mutanga la nuit du 16 au 17 juillet de cette année. François Habyarimana assure que l'administration de l'Université du Burundi, en collaboration avec la police, ont déjà entamé des enquêtes afin d'identifier les auteurs de ce forfait. Il ajoute que quatre présumés auteurs sont sous les verrous. Suivez François Vialimana, recteur de l'Université du Burundi, qui s'entretient avec Ezekiel Ndikumenayo. Pas seulement à l'Université du Burundi, mais aussi dans toute communauté de personnes, il doit surgir des problèmes. C'est pourquoi il y a une certaine réglementation pour éviter des problèmes entre les gens qui cohabitent. Dire que les présumés auteurs de ces bavures appartiennent au comité mixte de sécurité, je vous dirais non. D'après les informations qui me sont données par le responsable de la sécurité, ces présumés auteurs ne font pas partie du comité mixte de sécurité. Et à l'heure où je vous parle, je voudrais vous dire que les enquêtes sont en cours, que ce soit à l'Université du Burundi, que ce soit à l'extérieur. Et pour le moment, quatre des présumés sont en train d'être interrogés par la police et sont d'ailleurs détenus à la police pour le moment. Selon la réglementation qui régit les étudiants à l'Université du Burundi, si un étudiant commet une bavure à l'intérieur des campus, il peut être poursuivi conformément au règlement académique, mais aussi au règlement régissant les résidences universitaires, mais aussi, comme c'est un citoyen comme tout autre, il peut être poursuivi conformément à la loi régissant notre pays. Les enquêtes sont pour le moment en cours, que ce soit à l'intérieur de l'Université du Burundi, c'est-à-dire conformément à la réglementation en vigueur à l'Université du Burundi, mais aussi à la police à l'extérieur de l'université. Et pour le moment, nous avons quatre présumés auteurs qui sont sous interrogatoire. Et pour le moment, les quatre présumés auteurs sont détenus à la police. C'était François Vialimana, recteur de l'Université du Burundi. La fête d'Eid el-Hajj ou fête du mouton sera célébrée ce vendredi 31 juillet dans un communiqué de ce mercredi 28 juillet. La ministre de la fonction publique, Domine Banyangimbona, a précisé que c'est une journée qui sera chômée et payée. Page santé à présent. La lutte contre le Covid-19 concerne tout un chacun, d'où les passagers sont appelés à porter des masques pour mettre en pratique les mesures prises par le ministère de la Santé publique. C'est ce qu'a dit ce mercredi le secrétaire général de l'Association des transporteurs du Burundi, à Trabou, lors du lancement officiel du port obligatoire des masques pour les transporteurs et convoyeurs des véhicules rémunérés. Charles Hiramheba met en garde les contrevenants à ces mesures que des sanctions sont prévues. Suivez Charles Hiramheba. Il s'agit du lancement officiel du port obligatoire de masques pour les chauffeurs et les convoyeurs des véhicules de transport rémunérés des personnes et dans le cadre de mettre en pratique les suggestions du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, où il avait demandé aux propriétaires des véhicules de transport de porter le masque pour les chauffeurs et les convoyeurs. Donc aujourd'hui, l'association des transporteurs du Burundi a essayé de mettre en pratique cette mesure Et comme vous avez vu, nous avons déjà lancé le report obligatoire de masque pour cette catégorie de personnes que je viens de vous citer. La catégorie de personnes qui sont concernées par cette mesure, je dirais qu'ils sont nombreux parce que ça ne va pas se limiter uniquement au niveau de la mairie de Bujumbura, mais ça va s'étendre aussi à l'intérieur du pays. Mais aujourd'hui, nous avons confectionné 1000 masques qui sont destinés aux véhicules de transport ici à Mairie de Bujumbura, mais on va continuer à étendre ce projet parce que c'est un projet qui est concerné par plusieurs personnes, comme vous avez vu, les chauffeurs et les convoyeurs sont nombreux dans le pays. Bon, le message que je lance pour le moment auprès des passagers, c'est de continuer à respecter les mesures qui ont été prises par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, et notamment pour ce qui concerne le lavage des mains avec de l'eau propre et du savon, comme nous l'avons déjà lancé au niveau de différents parkings. Il s'agit aussi, là où c'est possible, d'observer la distanciation physique. Bon, les punitions pour le moment, au niveau de notre association, il y a le règlement de l'ordre intérieur, il y a des sanctions qu'on donne au niveau de l'association, mais sinon, si quelqu'un ne respecte pas les mesures qui ont été prises par les instances gouvernementales, on est en collaboration avec la police et l'administration, sinon on utilise notre règlement de l'ordre intérieur et les statuts. Charles Nhilam Hebea, il est secrétaire général de l'Association des transporteurs du Burundi. Après une courte pause, page route au rendez-vous. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. À 13h04 dans les cieux de la radio Isanganiro, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org. Des nids de poules dans certaines routes de la capitale économique Bujumbura sont bouchés. C'est un ouf de soulagement chez les habitants de cette ville, surtout les conducteurs qui disent que leurs véhicules ne sont plus abîmés. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters demandent aux autorités municipales de boucher d'autres rues de la capitale qui ne sont pas encore entretenues. Aimé Richard Nyonghuru, reportage. Sur certaines rues visitées par la radio Isanganiro le matin de ce mercredi, les nids de poules qui ravageaient les différentes routes de la commune Mukaza à mairie de Bujumbura sont en train d'être bougés. On citerait entre autres l'avenue du peuple Murundi en face de l'hôtel Waterfront ex-Novotel, le boulevard Patrice Lumumba au rond-point situé devant le palais des arts et le bureau commercial de la compagnie de télécommunication Lumitel. Les habitants de la ville de Bujumbura et surtout les conducteurs s'en réjouissent. C'est très bien parce que cette partie n'était pas bonne. Voilà, c'était pas bon. Hein. Pour le moment ça marche, vous voyez tous les véhicules. Il passe sans problème. Nous sommes très contents. Bien que certaines rues sont bien aménagées en pleine capitale, Bujumbura, d'autres coins attendent la réhabilitation, comme certains coins du boulevard Patrice Lumumba, tout près de la banque KCB, la route située derrière la Sokabu, société d'assurance du Burundi, en face de l'établissement universitaire Summit International University. Les usagers de ces routes réclament la réhabilitation. Bon, moi, je souhaiterais que ce travail continue, que ça continue, même là où ce n'est pas encore fait, que ça soit fait. Cette situation est ainsi signalée après que Jimmy Hatungimana, le nouveau maire de la ville de Bujumbura, ait déclaré après son installation à la fauteuil municipale que parmi ses priorités pour la capitale Bujumbura figure la réhabilitation des routes de la mairie, capitale économique du Burundi. Justement, Aimé Richard Nyonghuru, la réhabilitation des routes à mairie de Bujumbura figure parmi les principales priorités du commissaire de police Jimmy Hatungimana, qui est à la tête de la capitale économique du Burundi. Dans une interview exclusive qu'il vient d'accorder à la radio Isanganiro, il dit qu'il reste confiant qu'il va y arriver avec la contribution des stadins et des taxes perçues. Suivez Jimmy Hatungimana. Il y a des routes nationales qui sont l'œuvre du gouvernement. Ça, je ne peux pas faire une aventure. Plutôt, moi, je vais essayer de boucher les trous, les nids de poules, et essayer de compacter certains trous à base du goudron. C'est vrai, les moyens ne sont pas très importants. Les moyens, je n'en aurai pas. Mais j'aurai les moyens à partir du moment que les recettes qui rentrent dans les poches des gens rentrent dans la caisse de la mairie. Avec cela, je vais réussir. Sans cela, je ne peux pas réussir. Les priorités vont être dégagées et on va essayer de travailler là-dessus. Commissaire de police Jimmy Hatungimana, qui est maire de la ville de Bujumbura. Élevage à présent 16 personnes issues des ménages vulnérables des 4 communes de la province Ngozi couvertes par le projet de développement du petit élevage ont reçu ce mercredi des certificats après une année d'alphabétisation. Le responsable de ce projet DPL indique que l'objectif de cette formation est de permettre à ses bénéficiaires d'améliorer leurs capacités dans la conception des petits projets de développement de leur ménage, quitte à sortir de cette vulnérabilité. Apollinaire Munzagara. Comme l'indique le responsable de ce projet de développement du petit élevage à Ngozi, les bénéficiaires proviennent des communes Busiga, Ngozi, Gachikanoua et Mwumb. Ils ont été choisis parmi d'autres qui ont reçu 4 chèvres chacun parce qu'ils ont pu rembourser la moitié des caprins reçus après le premier village. Des chèvres données aux voisins en vue de pérenniser la chaîne de solidarité communautaire Caprine. Selon Janvier Ngoribigawa, cette formation leur a été donnée en vue d'augmenter la capacité de conception de petits projets, projets leur permettant de profiter au maximum de ce don après la vente de quelques-unes. Ces chèvres ont été données pour la plupart aux femmes parce qu'il a été constaté, selon le soin de ce projet de père, qu'elles s'occupent beaucoup plus que des hommes de ces bêtes dans les ménages. Ils demandent aux seconds bénéficiaires de continuer la chaîne pour que tous les voisins profitent au maximum de ce projet et à ceux qui ont reçu ces certificats de scolariser leurs enfants dès le bas âge, vu les difficultés de le faire à l'âge avance. Donc aussi, apprenez Muzagara. Radio Sanganir. Merci Apollinaire Muzagara. Non loin de chez vous, l'insuffisance du lait s'observe dans la ville de Kirundo. Le prix d'un litre de lait est passé de 1000 francs burundais à 1200 francs burundais, voire 1800. Ingénieur Leonidas Livoudimana, directeur du bureau provincial de l'élevage, agriculture et environnement, appelle les centres de collecte de lait de mettre en place un personnel en charge de collecte de lait auprès des éleveurs dans les collines, car il y a des collines éloignées de la ville et qui disposent d'une quantité laitière suffisante. Et des membres des coopératives Sangui en province de Bouvanza réclament le partage de la récolte rizicole. Ils demandent également que le financement de 10 millions de francs burundais qui leur a été accordé soit payé de façon progressive, estimant que le délai de 2 ans est court. Le chargé de suivi des coopératives à Bouvanza trouve que c'est impossible de partager de peur de paralyser les activités de la coopérative. Evrard Ndaikeje dit que l'on attend également l'étude du Fonds national d'investissement communal. La province de Bouvanza comprend plus de 90 coopératives, n'est-ce pas, Space Caritas Kabanyana? Certains membres des coopératives de sangue dans toutes les communes de cette province demandent le partage équitable de leur production. Beaucoup d'entre eux ont terminé à récolter, surtout ceux qui ont cultivé le riz dans le périmètre de Gifugwe en commune Manda. Ils disent que c'est la même chose dans d'autres associations d'agriculture et d'élevage, mais aussi dans les caisses d'épargne et de crédit, où après une année, ils font le partage équitable pour recommencer à nouveau. Les membres de ces coopératives disent aussi qu'on devrait revoir le délai de 2 ans de remboursement du crédit donné par l'État et payer régulièrement au fur et à mesure qu'on aura récolté par an. Ces coopératives de sangue sont au nombre de 95 au niveau provincial, puisqu'on rencontre une coopérative sur chaque colline et chaque coopérative a bénéficié de 10 millions de francs burundais de crédit pour démarrer les travaux, un crédit octroyé par l'État à travers le FONIC, Fonds national d'investissement communautaire, selon Edouard Nzambimana, chargé du suivi et de l'encadrement des associations dans cette province de Bouvanza. Le coordonnateur provincial des coopératives Sangwe précise que le partage de la production n'est pas possible à moins qu'on arrête les travaux. Evrard Ndaikeje ajoute qu'ils attendent le résultat du travail de suivi et évaluation de la part du FONIC afin de voir comment ce crédit sera remboursé. Spécialité Skavanyana, Bumanza, Radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. Dans la rubrique Parle, rassure-moi, aujourd'hui, on va vous parler des messages déshumanisants qualifiant un groupe de gens d'animaux sans valeur ou malfaiteurs. Jérôme Niyonzima, journaliste et expert en résolution pacifique des conflits, précise que ce genre de message enlève la dignité humaine. Selon lui, une fois que les autorités habilitées ne punissent pas exemplairement les auteurs, les conséquences sont énormes, comme des tueries contre les personnes comparées aux animaux. Ornella Mucho. Le discours au message déshumanisant compare généralement un groupe de gens aux animaux. Jérôme Nyonzima, journaliste travaillant dans le domaine de la résolution des conflits, précise que les animaux comparés à ces personnes sont de deux types. C'est généralement une sorte de métaphore, une sorte d'utilisation des images qui ne rendent pas honneur à la personne humaine, qui lui font perdre la dignité humaine en fait. C'est spécialement deux types d'animaux. C'est soit les animaux faibles, les animaux qui sont comme des insectes vulnérables, qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de protection. Ou alors, c'est des animaux qui sont méchants, qui sont destructeurs. Ce sont les deux types d'animaux auxquels sont comparés les gens à qui on veut faire perdre la dignité humaine. Il avertit que le message déshumanisant provoque la langue des violences de masse. Les conséquences sont aussi de deux autres. Soit si vous êtes comparé à un animal sans valeur, ça veut dire qu'on peut facilement vous écraser. Et si vous êtes comparé à cet animal féroce, destructeur, malfaiteur, comme le serpent par exemple, là ça veut dire que vous éliminez devient une sorte de protection pour le groupe qui vous considère comme ça. Et vous tuez donc, ça veut dire que on est en train de vous dévancer. On suppose que si vous n'êtes pas détruit, vous risquez de détruire les autres. Si vous appartenez à un groupe qui est en conflit avec un autre groupe, ça veut dire que vous êtes victime et ça veut dire que le groupe maintenant peut vous éliminer. Et même les pays où, qui ont connu des génocides, il a été manifeste que généralement, les génocides commencent d'abord par les mots. Selon lui, les administratifs devraient jouer un rôle important dans la lutte contre l'utilisation et la propagation de ces messages. En plus de l'éducation ou de la sensibilisation, c'est une chose qui devrait être faite par l'administration, les responsables. Ça veut dire que les gens qui se rendent coupables de ce discours déshumanisant devraient être punis conformément à la loi. Parce qu'en fait, les gens qui font apologie au génocide, au crime, au massacre, ils sont contre la loi et donc devrait mériter des sanctions sociales, pénales et même d'ordre administratif. Généralement, quand les crimes ne sont pas punis, donc ça renforce en fait la criminalité. Jérôme Nyonzima ajoute également que c'est le rôle de tout un chacun comme éviter de partager des messages haineux sur les réseaux sociaux. Merci Ornella Mocho, ainsi s'achève cette édition. Mais avant de nous quitter, je vais juste vous rappeler que 4 présumés auteurs de passage à tabac, 2 étudiants de l'Université du Burundi, il y a plus d'une semaine, ont été appréhendés. Vous avez entendu les précisions du recteur de cette université qui a également appelé les étudiants de cette institution universitaire au strict respect de la loi. Et vous avez entendu que c'est ce mercredi qu'a été lancé la campagne de port obligatoire de masques chez les transporteurs de véhicules rémunérés et l'association des transporteurs du Burundi qui prévient les contrevenants à ces mesures qu'ils seront punis sévèrement. Et bien voilà, c'est la fin de cette édition. À vous tous qui l'avez suivi, je vous remercie. Je dis également merci à Innocent Bibonimana qui a assuré la mise en onde d'Eli Nibel Nibigira. J'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.